indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oki poinza, tcha tcha, tubakini. O table rond, tcha tcha, va gagner. Oni panda, tcha tcha, tozumiye. Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oki poinza, tcha tcha, tubakini. O table rond, tcha tcha, va gagner. Oni panda. Indépendance, tcha tcha.